Une famille en or. Le dimanche, après le déjeuner en famille auquel Faustine est désormais conviée, le jeune couple descend au lac lorsque le temps le permet. Gilles possède en effet, amarré au port de Vidy, une petite embarcation. Une coque, un moteur, deux banquettes, un espace rangement sous le gouvernail, le tout permettant de traverser le Léman dans son propre bateau en une petite heure. Pour la jeune femme, c'est du grand luxe, même si elle a dû payer de sa poche les taxes portuaires et les premiers pleins d'essence afin de sortir l'embarcation du port. Son compagnon n'en ayant pas les moyens, la première fois le couple se rend à Évian, puis à Thonon ou encore à Port-Ripaille, célèbre pour ses filets de perche. L'endroit ressemble à une minuscule Venise enclavée dans le Léman. Au retour, le couple coupe le moteur au beau milieu du lac et prend un bain de soleil. Un soir, ils se rendent au restaurant chinois à Évian. Pendant le repas, le vent se lève. Ils entendent les lanternes cogner contre les murs. Ils se dépêchent de terminer leur repas et courent au débarcadère. Le lac est encore à peu près calme, mais c'est au milieu que ça se gâte, avec des crocs de vagues impressionnants et des vents d'une violence extrême. Hélas, il est trop tard pour faire marche arrière. Il faut rentrer. 20 fois, Faustine est sûre qu'ils y resteront avec leur coque de noix ballottée de toutes parts. Et puis non. Après ce qui semble une éternité, ils accostent enfin au port de Vidy. Il faut croire qu'il y a un bon Dieu pour les inconscients. Au Crédit Lyonnais, Faustine s'entend bien avec les deux autres secrétaires, Patricia et Gabrielle. Les trois femmes travaillent volontiers durant la pause café. Un matin, Patricia, la mine sombre, confie à ses collègues que son supérieur vient d'être pris la main dans le sac et renvoyé séance tenante pour vol. On ne lui a même pas laissé prendre ses affaires. Du coup, la secrétaire s'inquiète pour son job. « Waouh !» s'exclame Faustine. « Un voleur ? Il ne trouvera plus jamais de travail dans la branche, alors » « Penses-tu ? Son papa est au conseil d'administration. Il lui a trouvé une nouvelle place dans l'heure. » Un autre jour, Gabrielle explose. « Tu te rends compte ? Ils nous ont collé une amende de 40 francs pour n'avoir pas trié correctement nos déchets. » « Mais ils ont eu votre adresse comment ?»« Ils ont dû trouver un papier à notre nom dans notre poubelle, je suppose. »« Dire qu'il y a des gens qui sont payés pour fouiller là-dedans. »« Ouais, si ça se trouve, vous avez été dénoncé. »« En attendant, il n'y a pas de petit profit. » Je me demande ce qui coûte le plus cher ou ce qui rapporte le plus. Le personnel qui trie ou les amendes? Faustine compatit. Elle aime observer Gabrielle qu'elle trouve assez exotique. La jeune femme possède un culot et un bagot assez percutants. Avec son mari, ils vivent largement au-dessus de leurs moyens. Gagnant pourtant bien leur vie, ils ont déjà dépensé leur salaire avant même de l'avoir touché. Il paraît que c'est courant dans la branche. Faustine doit être un cas à part, car elle n'oserait jamais prendre le risque, même si un jour, à la radio, elle a entendu un riche politicien répondre à son interlocuteur. « L'honnêteté ? Pfff ! Je laisse ça aux pauvres !» Début août, son directeur partant en vacances, Faustine y a droit aussi. Il est temps de s'organiser. Gabriel lui a vanté un relais château dans les environs d'Aise qui semble intéressant. Faustine, avec la complicité de sa future belle-sœur, Myriam, y réserve une chambre en cachette de Gilles. Parallèlement, elle est invitée à passer quelques jours chez une connaissance demeurant à Port-Grimaud. Gilles, de son côté, se souvient d'un petit hôtel les pieds dans l'eau dans lequel il retournerait volontiers. « Pas besoin de réservation, dit-il. » « Même pendant la saison ? » ?»« Oui, oui, ils ont toujours de la place. » Le couple descendra en voiture et en profitera pour passer par Aix. C'est là que vit Marie, l'amie à laquelle Faustine avait offert une cure de désintoxication à la métairie. Ils lui rapporteront enfin les valises qu'elle a laissées en partant. Sur la route de Port-Grimaud, ils iront saluer le père Jean Lorge, ami de Faustine, qui a célébré une messe au décès de Julien. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Le prêtre coule désormais une retraite dorée du côté de Toulon. La descente vers Aix est très belle en ce début août 1992, d'autant que le jeune couple renonce à emprunter l'autoroute et privilégie les voies secondaires, dont certaines sont encore bordées de platanes centenaires. Arrivé au soir chez Marie, Il monte à grand-peine les énormes bagages par un impitoyable escalier en colimaçon. Marie, qui se garde bien de descendre les aider, leur ouvre sa porte, mais ne les invite pas à rentrer. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter, prétend-elle, car ils sont attendus chez ses parents de l'autre côté de la ville. C'est là qu'ils dormiront après avoir dîné au restaurant. Une fois sur place, Marie choisit ostensiblement le plat le moins cher de la carte, en espérant manifestement que ses invités l'imiteront. Las, ce n'est pas le genre de la maison. Gilles et Faustine ont une faim de loup après leur journée sur la route et le minable sandwich du midi avalé en vitesse sur une aire d'autoroute. Faustine s'amuse intérieurement de voir son ancienne amie pâlir à mesure qu'il passe commande, entrée, plat, dessert, sachant bien qu'ils ne lui laisseront pas payer l'addition. Dès lors, pendant le repas, la conversation s'enlise. Il n'est question que du misérable salaire de Marie et des conditions de vie pénibles des habitants du sud de la France. Marie a subi des mois de chômage pendant lesquels ses maigres économies se sont envolées avant de retrouver du travail. Jamais on n'évoquera l'alcool, ni une éventuelle rechute. Faustine ignorera toujours si Marie, après sa première rechute en sortant de la métairie, a réussi à s'en sortir définitivement. De retour au gîte, la soirée, puis la nuit qui suit, semble affreusement longue à Faustine. Les parents de Marie n'ayant pas de chambre d'amis, ils ont récolté une sorte de couchage hybride. Les matelas bourrés de noyaux laissent à désirer. Faustine finit par poser le sien par terre, puis elle attend son cher et tendre. Vautré sur le canapé du salon, Gilles est phagocyté par Marie. Manifestement, ces grands bavards n'ont pas envie de terminer la soirée. Surtout, Gilles ne semble pas pressé de revenir vers sa compagne pour leur première nuit de vacances. Vexé, épuisé, déçu, celle-ci finit par s'endormir seule au petit matin. Les vacances commencent bien. Le reste du séjour est à l'avenant. Port Grimaud n'est plus ce qu'il était. Les amis censés les accueillir le font à reculons. C'est la soupe à la grimace. Un jour, il les emmène se baigner dans une sorte d'entre-deux eaux douteuses. Le lendemain, ils font 3 heures de voiture pour aller manger des pâtes chez des amis d'amis qui ont créé une sorte de zoo miniature dans l'arrière-pays varois. Il y a certes des enfants sales et bruyants, mais pas d'autres animaux. À Olioul, près de Toulon, Jean Lorge les accueille dans l'externat Saint-Joseph, où est regroupée sa communauté de frères maristes. Il peut loger Gilles et Faustine, mais ce sera dans 2 chambres séparées car ils ne sont pas mariés. Faustine a beau dire « Mon fin Jean, sois un peu moderne, c'est tout comme. » Ce dernier n'en démord pas. Le règlement, c'est le règlement. Sinon, tu vas à l'hôtel. Jean, malgré son grand âge, il avoisine les 85 ans, conduit une petite mobilette et se rend chaque matin à la plage pour une baignade thérapeutique, quelle que soit la température de l'eau. Cet après-midi-là, après un déjeuner gargantuesque avec les autres prêtres maristes, il entraîne ses amis dans une très longue promenade digestive au cœur de la Pinède. Il leur explique alors en long, en large et en travers comment réunir toutes les conditions nécessaires pour donner naissance à un garçon. Faustine s'amuse beaucoup à l'écoute de cette science déployée avec autant de certitude par quelqu'un qui n'a, en principe, jamais fait l'amour. Le soir, elle a plaisir à évoquer son parcours et ses errances, tant aux USA qu'à Paris. Jean est très heureux qu'elle ait pu se soigner et surtout refaire sa vie après toutes les épreuves traversées. Ils se séparent en se promettant de se revoir en Suisse très bientôt, puisque le prêtre a pour habitude de se retirer une fois par an à Saint-Maurice en Valais, dans un couvent de bénédictins. À Cannes, grosse déception, le petit hôtel pied dans l'eau n'existe plus. Cela oblige le couple à émigrer dans l'arrière-pays, très loin de la mer, et surtout dans le dernier hôtel, froid et sans âme, où il reste encore une chambre. Les jours suivants, chaque fois qu'ils souhaitent aller à la plage, il leur faut prendre la voiture et se parquer à Péta ou Schnock. Pour la consoler, Gilles offre à sa chérie une très jolie bague. Bien qu'il n'ait rien dit, celle-ci se considère désormais fiancée. On officialisera la chose chez les beaux-parents dès notre retour, clame-t-elle. L'intéressé ne répond pas. D'ailleurs, à y bien réfléchir, il ne lui a même pas dit qu'il l'aimait. Si ? Au relais et château, les attend un télégramme de Myriam. La sœur de Gilles souhaite au jeune couple une nuit enchanteresse. S'il apprécie le décor, le luxe et la promesse d'un repas hautement gastronomique pour deux, Gilles ne semble pas du tout pressé de rendre un hommage viril à sa dulcinée. Autant il peut se montrer bon camarade, disseur, joueur, aventurier, une vraie pipelette quand il commente la rue, autant les choses du sexe semblent la plupart du temps le laisser de marbre. Faustine s'en étonne sans trop le prendre pour elle. Les séances crac-crac trois fois par jour, elle a donné, merci. Une fois les hormones calmées, il ne reste souvent plus grand-chose. Alors elle préfère commencer plus humblement. D'ailleurs, à lui seul, le parcours alcoolique de son compagnon justifierait une baisse de libido. De son côté, est-elle si avide que cela? Elle n'a jamais été en manque, jamais eu besoin de demander non plus. Et plus elle vieillit, plus l'intellect prend chez elle le pas sur l'affect. Il n'empêche, ce n'est pas ainsi qu'on procrée. Or, Faustine comptait sur ses vacances pour avancer dans son projet de maternité. Est-ce l'ambiance luxueuse, le bain moussant, le parfum suave des bougainvilliers? Gilles semble soudain vouloir répondre à l'appel de la nature. Ouf! On a bien failli s'interrompre avant même d'avoir commencé. Le lendemain, le couple visite la Fondation Mate à Saint-Paul-de-Vence, puis se promène dans les ruelles des jolis villages de Provence. Certains sont restés à peu près intacts, bien que saturés de boutiques de souvenirs. En marchant 2 mètres derrière son amant, Faustine se prend à regretter le côté tendre de Maxime. En vacances, il lui tenait toujours la main lors de leur balade, ne ratant jamais une occasion de manifester sa tendresse. Elle a beau se dire que chaque homme est différent et qu'il lui faut savoir ce qu'elle veut, un bébé ou la solitude, ce n'est pas si simple de s'habituer à quelqu'un. Faustine fréquente les alcooliques anonymes depuis suffisamment longtemps maintenant pour savoir qu'on ne change pas l'autre, seulement son propre regard sur lui. Finalement, savoir être heureux, n'est-ce pas juste une question d'état d'esprit? À Puy, ce 15 août 1992, on fête les 36 ans de Faustine sur le balcon des beaux-parents. Insensible à la vue superbe sur l'ensemble du Léman, Myriam attend le compte-rendu des vacances du jeune couple avec impatience. Elle ne sera pas déçue. Il s'y emploie avec beaucoup d'humour. La sœur de Gilles boit leurs paroles avidement. Faustine a des impressions mitigées. Elle aimerait bien savoir ce qui cloche chez cette jeune femme apparemment normale. Évidemment, la copine de Gilles n'a pas encore accès aux secrets de famille et les squelettes restent frileusement cachés dans le placard. Ce qu'elle perçoit pour l'instant, c'est que Myriam vit par procuration. Gilles a bien fini par fournir quelques détails à Faustine, mais quelle est cette étrange maladie qui conduit sa sœur à se donner des gifles pendant des heures dans la chambre froide où sont entreposées les si belles roses? Toutes les suppositions sont permises. Sa nouvelle famille a bien fait les choses pour cet anniversaire. Un magnifique bouquet, un repas gargantuesque et un gâteau du meilleur pâtissier avec son nom dessus. Cependant, malgré l'attente de Faustine, Gilles ne se décide pas à annoncer leur fiançailles. Pour finir, la jeune femme s'enfuit dans la cuisine et pleure un bon coup. Inquiet, Gilles la rejoint. Il s'explique jusqu'à ce qu'enfin, il se décide à s'engager. Satisfaite, la jeune femme annonce officiellement le mariage à venir. Il ne reste plus qu'à publier les bans et préparer la fête.